So I threw the Senate at him. The whole Senate. True story. Oh, my God, that is so funny. You made it come out of my nose. Go for Papa Palpatine. You have a collect call from... Darth Vader. I gotta take this. Hold on. Vader, how's my favorite Sith? Whoa. Just slow down. Huh? What do you mean they blew up the Death Star? Who's they? What the hell is an aluminum falcon? Okay. So who's left? Are you me? Well, where are you? Wait a sec. You've been flying around for 2 weeks trying to get a signal? Oh, you must smell like feet wrapped in leathery burnt bacon. Oh, I'm sorry. I thought my Dark Lord of the Sith could protect a small thermal exhaust port that's only 2 meters wide. That thing wasn't even fully paid off yet. Do you have any idea what this is going to do to my credit? Hang on, I got another call. What? I'm very busy right now. Well, where are they going? Huh, all right, just get me a turkey club. Coleslaw, I guess. I'm not even going to eat it. What are you getting? Yeah, see, I always order the wrong thing. No, I'll just stick with that. Okay, bye. What? Oh, Cherry Coke. Thanks. Sorry about that. What? Oh, just rebuild it? Oh, that's a real f***ing original. And who's gonna give me a loan, jackhole? You? You got an ATM on that torso light bright? Now get your 7'2" asthmatic ass back here, or I'm gonna tell everyone what a whiny bitch you were about Potamame or Panda Bear or whatever the hell her name is. Oh, jeez, he's crying. Hey, come on, don't do that. Just, I'm just dealing with a lot of crap right now. Death Star blown up by a bunch of f***ing teenagers, you know? I didn't mean to snap. Just get back here. Okay, bye. I love you too. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millennial, le podcast fait par des fans, des vrais fans qui aiment The Last Jedi. Je suis Grushkov et comme d'habitude je serai accompagné de mes chers camarades Tuki. Salut. Non, t'es trop loin du micro, rapproche-toi. Salut. 10 minutes. Salut tout le monde. Et Matt. Salut. Et un invité, Adrien, qui nous vient tout droit du patelin. Salut tout le monde. Et il est ici pour une raison très simple, on va parler de chips. Non, je plaisante, on va parler de fanfilms. Eh oui. Et Adrien, j'ai entendu dire que tu étais un expert dans ce domaine, dis-nous en plus. Alors, les fanfilms, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, forcément sinon je ne serais pas à parler avec vous aujourd'hui, et du coup c'est en fait une passion qui m'est arrivée il y a à peu près... 2 ans et demi, et en fait j'ai commencé une chaîne YouTube sur les fanfilms, où je parle de fanfilms, où j'analyse des fanfilms et où je mets en avant des fanfilms. Voilà. Oui, et d'ailleurs comment elle s'appelle ta chaîne YouTube? Ah oui, j'ai oublié, oui, bien sûr. Ma chaîne YouTube s'appelle Le Patelin des Passions. Et donc tu parles de n'importe quel team, de n'importe quel fanfilm, pas que de Star Wars. Non, alors pas que de Star Wars, néanmoins, il est certain que Star Wars c'est ma franchise préférée, je pense comme vous ici. C'est également l'un des principaux... objets des fanfilms, parce que c'est vraiment dans l'univers de Star Wars que l'on trouve le plus de créations artistiques faites par les fans, avec probablement Star Trek aussi, et Harry Potter aussi, qui arrive un peu derrière. Et du coup, voilà, donc forcément, aimant vraiment beaucoup Star Wars, aimant beaucoup les fanfilms, j'ai décidé l'an prochain de m'orienter vers un mémoire, justement, dans mes études, où je vais parler des, des fanfilms de Star Wars. Classe. Ça va faire beaucoup de boulot. Hein, parce que... Je n'ai pas habitué à ce niveau-là de professionnalisme, en fait. Ah, je ne suis pas encore pro. On verra l'année prochaine quand j'aurai fini mon mémoire. Hein. Ouais, mais déjà voilà. On, pour une fois, il y a quelqu'un qui est vraiment calé sur son sujet ici. Ça fait plaisir. Tu veux faire quoi? Tu veux faire réalisateur ou Absolument pas, non. En fait, je fais des études de ciné, mais c'est vraiment des études théoriques. Et à la base, j'ai voulu en fait faire ces études-là pour apprendre un peu pas mal de trucs, notamment sur la réalisation, toujours dans l'optique de garder un petit peu cette idée de chaîne YouTube en fait à côté par rapport au fan film. Et j'ai découvert qu'il y avait tout un champ en fait universitaire qui se préoccupait des fan films et des fans de manière générale. Donc je me suis dit pourquoi pas devenir chercheur. Et donc j'entame un master de recherche en cinéma que je vais orienter dans tout ce qui est un peu fan film, encore une fois. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'attire dans les fan films, Adrien? Alors les fan films, ce qui m'a toujours attiré, c'est un peu l'aspect amateur et l'aspect en fait l'idée que tout le monde puisse en faire, et que même des gosses dans un garage peuvent faire un fan film de Doctor Who ou de je sais pas, Harry Potter par exemple. L'idée que en fait il n'y ait plus cette hiérarchie qui existe à Hollywood pour produire, pour créer et également pour publier en fait. C'est bien ça. C'est vrai qu'en plus avec YouTube tu vois qu'il y en a eu beaucoup plus. Parce qu'avant ça était quand même un truc super de niche, et puis ça s'est vraiment démocratisé depuis pas mal d'années, notamment grâce à Star Wars sur YouTube, et notamment grâce à Star Merci Wars. Merci Star Wars. Bah comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Ah oui. C'est toujours les premiers sur l'info, hein, mieux que BFM. Clairement. Et donc moi, par rapport au côté amateur, est-ce qu'il y a un truc, parce que à ce moment-là, ça pourrait aussi comprendre un peu les films un peu cheapos, les films de les nanars, les trucs comme ça. Est-ce qu'il y a un truc dans le fan film, dans le fait que ça reprenne un univers spécifique que tu trouves intéressant ou peut-être autre chose? C'est-à-dire? Par rapport à un film amateur qui utilise un univers original, je veux dire. Tu veux dire les nouveautés que ces films-là peuvent apporter, par exemple? Ouais, et puis même ce qui est un truc qui fait que tu t'intéresses plus aux fan-films qu'aux univers originaux faits par des amateurs. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Ouais, en fait, l'idée, c'est que j'ai grandi avec Star Wars, et forcément, voir des films de Star Wars qui sont faits autour d'un univers qui est déjà vraiment riche, enfin, surtout qui s'est enrichi au fur et à mesure, mais... Et qui, du coup, en fait, tu vois, je vois un peu les fan-films de Star Wars, en tout cas, ceux que je veux voir dedans, je les inclus vraiment dans l'univers canon, tu vois. Je me dis, tiens, cette histoire-là, elle aurait pu être canon. Donc, dans ma tête, en fait, Star Wars, c'est aussi construit grâce aux productions amatrices. Et ce qui est aussi cool, c'est qu'on peut voir plein de choses différentes. Mais ça, on va en parler plus tard, si vous voulez. J'ai écrit les petites notes. J'ai fait mon travail. Cool. Est-ce que tu avais d'autres choses que... Est-ce que... Matt, toi, tu avais des questions à poser. Je sais que tu avais voulu préparer une interview, donc est-ce que t'as encore des questions en tête? Est-ce que je veux faire? Est-ce que je fais? Il y a six par sec. Hein. Est-ce que t'as encore des résidus dans ta tête, Matt? Pas tout de suite. Zut alors. Non, de toute façon, Adrien, il est là pour nous apporter son expertise. Je vais essayer. Et on commençait par le début, du coup. Et déjà, voilà, ce que je voulais faire quand ça a planté tout à l'heure, c'était commencer par le début, les tout premiers fan films Star Wars, qui a même eu droit à un hommage dans le meilleur Star Wars, The Last Jedi. Sérieux? Oui, avec le... La scène du fer à repasser. Le fer à repasser, justement. Qui a fait criser beaucoup de monde, d'ailleurs. Ouais, parce que sais, Star Wars, c'est super sérieux. Et donc Hardware Wars, c'est ça, c'était le tout premier, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que c'est bien ça? Oui, alors en fait, il faut savoir que les fanfilms, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est arrivé avec Star Wars, avec notamment Hardware Wars, mais il se trouve que c'est un phénomène qui est vieux de à peu près 50 ans avant. Déjà dans les années 20, il y avait dans les années 20, il y avait déjà des fan films en fait. J'aurais vraiment pas cru. Justement, je voulais te demander si c'était le premier fan film. Voilà, c'est vraiment quelque chose que les gens pensent, mais Mais voilà, bon. Par contre, voilà, Hardware Wars est considéré comme étant le premier fan-film de Star Wars. Et c'est un fan-film qui est assez particulier parce que c'est une parodie. C'est un trailer, on ne sait pas bien ce que c'est. Mais il faut savoir que ouais, c'est pas le premier fan-film de tous les temps, mais c'est probablement celui qui est pris pour les meilleurs fan-films, enfin pour le premier fan-film de tous les temps. Et en fait, le problème, c'est que, enfin c'est pas un problème, mais l'idée c'est qu'en fait, c'est un fan-film qui donc a été fait par par Ernie Fossalius, et en fait c'est un gars qui ne se dit pas fan de Star Wars. Donc encore une fois, on ne sait pas trop si c'est à considérer comme un fan-film. Si c'est de la moquerie ou... C'est ça, c'est ça. Ça va de là, quoi. Alors qu'on se lui a posé la question... C'est beaucoup moins drôle dans ce cas-là. T'as dit quoi ? C'est beaucoup moins drôle si c'est juste de la moquerie, mais... Oui, c'est ça. Alors, enfin, l'idée, c'est qu'aussi, il a beau ne pas se considérer comme un fan de Star Wars, il aime beaucoup Star Wars, c'est ce qu'il dit lui-même. Ouais. De toute façon, pour l'avoir fait, tu le vois, hein, si tu, en le regardant... Quelqu'un qui n'aime pas Star Wars, il irait pas s'embêter à faire un truc pareil. Ouais, ouais, mais clairement. Oui, c'est vrai. Tu peux dire, ouais, je suis pas fan, j'aime beaucoup, j'aime bien, mais je suis c'est pas vrai, fan. C'est vrai, quoi. Mais pour avoir fait ce qui a été fait dans ce petit film, tu peux pas détester, quoi. Donc tu l'aurais pas fait. Non, c'est vrai que, en général, ceux qui aiment pas Star Wars, ils achètent les produits dérivés et ils se filment en train de les découper. j'ai acheté un conteneur entier de figurines de Tico Rose et je vais les découper devant vous. Pendant 12 heures. Le mec qui avait acheté le Blu-ray de The Last Jedi pour faire une vidéo disant que le Blu-ray avait ruiné Star Wars. Allez, on n'est pas là pour parler de ça. Je suis désolé, j'avais trop envie, c'est de ma faute. Alors par contre, du coup, juste pour revenir au sujet, les fan-films faits avant, dans les années, même celui-là, même Hardware Wars, ils étaient distribués comment en fait? C'était sous le manteau, c'était... Alors c'est... dans la rue. tu croyais que t'achetais un CD porno et t'avais juste le fan-film à la place. Alors, ouais, c'est une très bonne question, Matt, mais pour le coup, il y a vraiment différentes manières de distribuer des fan-films. Vraiment, le tournant, ça a été dans les années 70-80, plutôt 80 d'ailleurs, avec donc les VHS, parce qu'avant, c'était vraiment des bobines, en fait, qu'ils avaient, donc c'est... C'était des bobines, ouais. C'était souvent filmé en super vite, par exemple. Et le truc, c'est qu'en fait, c'était très souvent des projets qui étaient plutôt familiaux. Par exemple, il y a un fan filmmaker qui a d'ailleurs qui est considéré comme le grand-père des fan films. Enfin, moi, j'ai toujours appelé le grand-père des fan films, Donald Glut. Et je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais c'est aussi celui qui a écrit la novelisation de L'Empire contre-attaque. Ouais. Et ce gars-là, quand il était jeune, il vivait avec sa mère, et sa mère lui avait offert une caméra. Et donc, ils avaient fait plein de films, genre Jurassic Park, ils avaient fait... Non, pas Jurassic Park, du coup, ça n'existait pas, mais enfin, plein de films avec des dinosaures. Et en fait, il a fait aussi des fan-films en fait, de Spider-Man dans les années 60. Et en fait, ce gars-là, justement, faisait des films dans son coin. Il les partageait pas, mais enfin, il les partageait avec ses potes, avec les gens du quartier, mais il les donnait pas forcément. Et ce qui est marrant, c'est que ce gars-là est connu par des réalisateurs émérites comme comment il s'appelle ? Mince, son nom m'échappe. Celui qui a réalisé The Thing, Halloween, Carpenter. Voilà. Ouais, Carpenter. Carpenter a dit que Carpentier, voilà. Mais Carpenter a dit que Donald Glut, c'était vraiment, quand il était gosse, un monument, quoi. C'est cool, ça, c'est bien. Hey, ouais. On est là pour s'instruire, hein, vraiment. Merci beaucoup. Je rigolais parce que j'imaginais bien les mecs faire leur fan-film et puis après, au repas de famille, « Eh, faut que je vous montre quelque chose !» Et puis, il fout la VHS. Mais c'était vraiment ça. Hein, c'était vraiment ça. T'avais toujours cette dimension, en fait, familiale. Et en fait, il y avait des créateurs de fan-films dans les années 30-40 en Amérique qui faisaient des fan-films vraiment entre frères et sœurs, tu vois. Et qui, finalement, tous les dîners de famille, t'avais ça. À Noël, t'avais ça. Et puis... ensuite la cassette voyager entre dans la famille, tu vois, mais c'est pas la cassette, la bobine, mais c'est Noël, assez... mais du coup c'était déjà des fan films basés sur une licence existante. Ouais, carrément, carrément, carrément. Batman, enfin, Mais il avait dit ouais, Spider-Man. Alors, Batman, c'est un peu plus ouais. tard, Batman, je crois, je suis pas sûr. Batman, c'est un peu plus tard. J'ai pas, à ma connaissance, j'ai pas de fan-film de Batman dans la tête avant les années. Peut-être 60-50, il y en a voir, ouais. Mais je les, ouais, je les connais pas. Mais Spider-Man, Spider-Man, c'est pareil. En fait, tous les comics, c'est un peu pareil. Hein. C'est vraiment années 50-60, mais encore avant, t'avais. Et du coup, avant, il y avait quoi? Bah t'avais des comment t'avais des pas mal de fanfilms tirés de diverses tu sais des pulps genre Tarzan par exemple. D'accord, oui. Des Disney aussi t'avais un il y a un fanfilm qui s'appelle Bambi meets Godzilla. Donc c'est un fanfilm inspiré par Bambi et Godzilla. Bah je l'ai pas vu ouais mais voilà, je sais qu'il existe. Et pour le coup, ouais, c'est tu vois, il y a vraiment enfin même s'il n'y avait pas les franchises qu'on connaît vraiment beaucoup maintenant, il y avait des trucs sur les matériaux sur lesquels travailler, quoi. Est-ce qu'il y avait des fan-films tirés de livres? Ouais, bah Tarzan, comme j'ai dit. Bah oui. Ah, mais je savais pas que c'était un. Ouais. Pardon. C'était... Je suis inculte. C'est un pulp à la base, je crois. Ouais, je suis pas sûr, mais. Ah. Ouais. Okay. Mais oui, non, sinon, il y avait quelques. Alors, je sais pas s'il y avait des fan-films de. Enfin, connus, en tout cas, je n'ai pas entendu parler, mais. Ça m'étonnerait pas que ça n'existe pas des fan-films, tu sais, de Cthulhu ou quoi que ce soit. Ah. Tout ce qui est un petit peu la littérature américaine. Mm-hmm. Alors moi, pour revenir sur le Hardware Wars, le truc que je veux trouver assez dingue, c'est qu'il est quasiment sorti tout de suite après. Il est sorti en 78. Et voilà, donc ouais. Et l'original, c'est de 77, c'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est mai 77. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, c'est ouais, tout de suite, il y a eu ce besoin de faire, d'adapter. Ça montre à quel point c'était vraiment un truc, un phénomène mondial, quoi. Ils n'ont pas attendu longtemps avant d'en faire un, quoi. Ouais. Ah oui, ils ont été super vite. En plus, c'est vachement propre. Enfin, encore aujourd'hui, moi, je me suis demandé quand même, ils ont vraiment mis le paquet, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Avec des effets de l'époque. Ah, mais il est super propre, ouais. C'est que ça. Fin... Mais du coup, c'était une volonté de se moquer, c'était une volonté de s'amuser. Vouloir faire tourner une blague comme ça, enfin, j'ai du mal à voir quel était le but bah, en ce moment. Ce film. Bah, de se rigoler, c'est comme faire. Enfin, je veux dire, on a Grushkov et Tuki qui font la parodie de en saga MP3 de voilà, Rey à l'école des Jedi. C'est pas pour se moquer du film, c'est juste que c'est rigolo. C'est un peu pour se moquer d'Harry Potter aussi, mais. Ouais, bon. Donc voilà, c'est possible de rigoler sans forcément vouloir être méchant. Rigoler avec et pas contre. Ouais, pareil, pour l'émission, du coup, on a regardé Troops. D'ailleurs, je l'ai pas dit en début d'émission, mais si vous allez sur la chaîne YouTube de Faucon Millenial, et ben vous verrez une playlist dans laquelle il y a tous les fun films dont on va parler et d'autres. Et donc, je voulais dire, pour l'émission, on a regardé Troops, qui est aussi une parodie... Enfin, voilà, émission de télé-réalité américaine qui suit des policiers dans leur vie de tous les jours avec des gros guillemets. Voilà, et du coup, c'est des Stormtroopers. Ça ressemble à ce qui est toujours fait actuellement, même en France, sur les reportages comme ça, qui suivent les policiers, les pompiers, les trucs comme ça. D'ailleurs, dans Troops... Ça avait quand même un ton particulier, il me semble, hein, de mémoire. Ouais, ça fait partie de ces émissions qui sont auxquelles on reproche voilà de vraiment déformer la réalité et notamment voilà de faire peur aux bons Américains qui habitent dans leur banlieue. Voilà, c'est vraiment du voyeurisme dans le milieu de la police. Et puis Cop, c'était un truc assez important. Je veux dire, ça a été parodié dans South Park. Il y a un épisode d'X-Files entièrement basé là-dessus, qui est génial d'ailleurs. C'était assez important à l'époque, Cops comme émission, je crois, aux États-Unis. Et du coup, ils ont parodié ça avec Star Wars. Mais il me semble que, enfin, Adrien, c'est un peu un monument au niveau du fan film. Il a changé beaucoup de choses, je crois. C'est pour ça que je voulais en parler, oui. Ouais, ouais, alors moi je sais faire une transition, tu vois. Quelle transition? Mais pour le coup, il faut savoir que tout à l'heure, quand Grushkov ou toi, Matt, je sais plus, m'a dit que justement Star Wars a un peu, enfin, avec YouTube, ça a changé, tu vois, les modes de transmission des fan films. Ça a aussi et surtout commencé avec Troops, en fait. Mm-hmm. Qui est dans l'idée en 4 tiers, d'ailleurs. Oui, carrément. Ça a été le premier distribué sur Internet. Alors, ça n'a pas été le premier distribué sur Internet, mais ça a été vraiment le premier à exploser, en fait. Il me semble quand même que le site sur lequel il était hébergé a genre planté ou quoi que ce soit. Il y avait vraiment des milliers de téléchargements. Et puis, à l'époque, pour télécharger un film de 10 minutes comme ça, je ne sais plus comment c'est exactement, je crois que c'est 13 minutes. Pour télécharger un film de 13 minutes comme ça, vraiment, ça te mettait plusieurs jours, même des fois. Oui, oui, oui. Parce que, alors, si jamais on a des ados qui nous écoutent, le streaming à l'époque, c'était même pas la peine d'y penser. Hein. Ça n'existait pas. Juste pour rappeler, nous, on avait des modems qui faisaient un bruit impossible. Internet, hein, c'était pas la peine. Et si on voulait ne serait-ce qu'une seule chanson en MP3, il fallait parfois attendre une bonne demi-heure, voire plutôt une heure. Donc, ouais, c'est plus... Des fois, tu te faisais avoir si c'était du porno. À l'époque. voilà, des fois, tu téléchargeais Blanche et j'ai les 7 nains. Et les 7 nains, ils étaient pas si nains que ça. voilà. Et donc, moi, ce que. Un autre truc qui est frappant quand on compare celui-là, voilà, au vieux hardware de Hardware Wars, pardon, c'est ben là pour le coup on a affaire à un truc où même s'ils ont un ton rigolo, ils font quand même ils ont des bons costumes, ils essaient vraiment, ouais, c'est là ça. C'est pas de la parodie, enfin c'est la parodie de Cops, mais pas vraiment de la parodie de, enfin c'est surtout au niveau du costume. Est-ce que c'est les premiers films où ils essayaient de faire attention à ça, ou les films précédents déjà, ils essayaient quand même de faire gaffe, voilà, à avoir les vraies armures de Stormtrooper, les vrais costumes de Jawa, tout ça. Il y avait déjà, il me semble, j'en ai pas trop la connaissance, justement j'en cherche activement pour ma mémoire des fanfilms de cette époque, parce qu'on va rappeler que Troops est sorti en 97, on l'a peut-être pas dit, je sais plus. Ouais. Mais, on l'a pas dit, pardon. Mais voilà, donc. La même année que l'édition spéciale, hein, si jamais. Absolument, absolument, absolument. Ah ouais. Et donc, en fait, Troops, donc, qui a été réalisé par Kevin Rubio, il faut savoir que, ouais, ils ont vraiment mis un point d'honneur sur les costumes, mais je pense que ça se faisait avant parce qu'il y avait déjà des cosplayers, notamment les personnages que tu vois, c'est des cosplayers et des cosplayeuses à la base, en fait. Mais les 2010 sont extrêmement. Entremêlés en fait, hein, simplement. Oui, le milieu du cosplay évolue au niveau de la qualité des costumes, bah forcément ça se ressent dans les films, les fanfilms. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on dirait que je suis dans un podcast, mais genre vidéo sur YouTube avec cette phrase. Mais je sais pas si vous avez fait gaffe, mais dans Troops, c'est assez rigolo. Il y a un des Stormtroopers qui est en fait joué par une femme, il me semble, qui a des talons parce qu'ils avaient plus de chaussures en fait disponibles de l'armure de Stormtrooper. Et du coup, il a des talons blancs et c'est très drôle parce que j'avais pas vu. Tu l'envoies. En talons dans le désert, il faut que je voie ça. Ouais, alors ça a été un enfer hein, pour faire ce film. Il a été filmé où, en Nevada, quelque chose comme ça. Californie. En fait, il faisait, je crois, il faisait genre 2 heures de route pour aller dans le désert tous les matins. Le tournage n'a pas duré très longtemps. Mais... Je crois qu'il a pris genre 2 jours, un week-end, je crois. Ce qui est relativement assez court, hein, finalement. Oui, un week-end, oui, ça se tient. Ouais. Ouais. Mais il me semble, je suis vraiment pas sûr de ce que je dis parce que j'ai lu un truc dessus, mais c'était un moment donc je me rappelle plus, mais il me semble que c'est un week-end, ouais. Mais du coup voilà, c'est clairement rigolo les costumes un petit peu qu'il y a, et ouais, notamment, enfin ça a été, je pense, assez dur à faire, hein, comme fan film, parce qu'il mais il a bien vieilli, hein, pour l'avoir revu quelques heures avant l'émission là maintenant. Il a bien vieilli, je trouve. Le côté caméra à l'épaule marche très bien. L'éclairage naturel, ouais, les plans et puis l'éclairage naturel, on retrouve un peu le côté épisode 4, un peu, voilà, dans le désert, où forcément tu peux pas vraiment influer sur l'éclairage, surtout à l'époque. Y a un truc vraiment qui marche bien avec ce film. C'est intéressant. Et puis j'aime bien le côté que ce soit une parodie de Cops, justement, et qu'il y ait ce côté très cynique avec les Stormtroopers autour. Ça me fait trop marrer. C'est génial. Dans le peu de notes que j'ai mises sur Troops, j'ai mis « Comme dans la vraie vie, les flics tuent des personnes sans défense. » Et Tuki avait fait remarquer que ça aurait été encore plus drôle s'ils n'avaient pas réussi à les tuer, les Jawa. Et qu'ils étaient allés les finir à la main, tu sais. Vu qu'ils sont censés pas savoir viser. Et puis, comme disait Tuki, le truc qui a bien vieilli, c'est le ton, voilà, téléréalité, là, les Stormtroopers qui parlent comme des cowboys, ça marche complètement encore maintenant, voilà, c'est des trucs qu'on a déjà vus. Même si on n'a pas vu l'émission d'original, c'est quand même super rigolo. J'ai vraiment l'impression que je peux faire une différence maintenant avec toutes les bavures policières qu'il y a en ce moment aux États-Unis. Il y aurait un sacré boulet de canon à faire. Il y aurait un truc à faire. Dans le film, ils ont pensé à mettre des trucs qui passent en arrière-plan et tout, et qui étaient bien intégrés, et du coup, c'est bien parce que ça te donnait pas l'impression de vide, pardon, qu'il peut y avoir dans certains fanfilms. Ça met de la vie, ouais. Ouais, c'était sympa. Ça manquait pour moi juste un tout petit peu de rythme, mais franchement, la mise en scène et les plans avec switcher sur Owen qui râle, et puis re-switcher sur les trucs, c'était bien fait. T'avais dit qu'ils étaient un peu petits pour des Stormtroopers aussi. Ah oui, j'ai fait une blague là-dessus. Parce qu'ils sont vachement plus petits que Owen. Et du coup, j'ai fait la blague. Vous êtes pas un peu petits pour des Stormtroopers? Il y a un plan où t'as deux Stormtroopers. Il y en a un, il doit faire genre 20 cm de moins que le premier. Oui. C'est assez drôle. Il est tassé dans son armure. c'est assez génial. Mais non, même, enfin, ouais, il manque un tout petit peu de rythme, mais il y a des plans, enfin, toute la séquence Jawa, je crois que c'est la mieux filmée, il me semble, je crois. Il y a vraiment ce côté dynamique, ouais. Vivant, les trucs qui se passent hors champ, et après la caméra bouge en fonction, enfin, c'est. Moi, je suis d'accord, ouais. Niveau rythme, c'est pas le pire de ce qu'on ait vu. Non, et celle de la scène de Beru et Owen est vachement bien filmée aussi parce que ça ressemble vraiment au truc qu'il y a même aujourd'hui dans ce genre d'émission. Ce genre de plan où ça essaye de cadrer le visage des gens. Il a vraiment tapé très juste hein, le réal. Ouais. Et d'ailleurs, il y a tout ce qui est la critique de la société. Pour le coup, ce film-là le fait très bien donc avec les violences policières et même ne serait-ce que Aunt Beru, par exemple, elle est clairement victime dans l'histoire et les flics s'en foutent, quoi. Elle fait une crise. C'est ça. Du coup, c'est assez intéressant. Et donc, vous dites du bien de Kevin Rubio, mais est-ce que vous saviez, donc le réalisateur de Troops, mais est-ce que vous saviez qu'il a travaillé quelques années plus tard pour une série qui s'appelle Star Wars The Clone Wars? Ah ben là. Non. Ça, c'est vrai que son nom, il me disait un truc. Ah, ça, c'est la méga classe, ça. Ouais, et c'est il y a beaucoup de liens entre les fanfilm makers et les œuvres. Il a fait quoi pour Clone Wars, du coup? Je crois qu'il a scénarisé quelques épisodes, il me semble. Classe. Ah oui. Ouais, classe. Super classe. On a Grushkov, il faut qu'on se mette à faire nos fanfilms aussi, hein. C'est bon là. Ouais, on va faire un fanfilm. Hein. Et puis, ouais, c'est clair. Comme ça, on se retrouve dans 5 ans. Et du coup, comme on disait là, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que même si c'est un truc un peu rigolo, que c'est un peu parodique, tout ça, il y a vraiment beaucoup d'efforts qui est mis dans le truc. Et en plus, ça a des choses à dire. Et par contre, il y en a un autre qui a beaucoup d'efforts mis dans la mise en scène, des trucs comme ça, et qui a fait beaucoup de buzz, mais que moi, je trouve qui est vraiment vide, par contre, au niveau des messages, quelle voire position. Même un peu difficile. mais je sais que toi, Adrien, tu l'aimes bien. C'est Darth Maul Apprentice, qui est sorti en 2015. Ah, non. J'allais dire 2016, 2015. Bah, sur YouTube, il dit 2016, mais peut-être qu'il l'a sorti ailleurs. T'as sûrement raison, mais je confonds. Ouais, ok, raison. C'est bon. Donc, j'avais bien raison. Et, oui, désolé. Et du coup, de quoi ça parle, celui-là? Pourquoi tu l'aimes, Adrien? Alors, Maul, il faut savoir que c'est un des premiers vrais fanfilms que j'ai vraiment... qui m'a vraiment donné envie de travailler sur les fanfilms et qui me suis dit tiens c'est marrant personne n'en parle de ça, enfin on en parlait mais d'un point de vue assez assez anecdotique en disant bah tiens regardez il y a un fanfilm de Star Wars qui est sorti et du coup moi j'ai envie d'en apprendre plus. C'est le plus vu je crois, c'est le plus vu actuellement sur YouTube ça. Non je pense pas de Star Wars tu veux dire? Ouais. Ah je sais pas, non de toute la liste c'est le plus vu que de ceux qu'on a vu là dans la notre playlist. Même Vador? Ouais il a Vador à 10 millions, celui-là il a 20 millions. Ah non, Vador, on a dit, on n'en parlait pas. Oui. Vador, très surcoté pour le coup, je suis d'accord avec vous. Mais oui, non, en tout cas, Maul, du coup, ça a été un des petits clics dans ma tête, un des clics en fait, en me disant, tiens, c'est intéressant, les films. Et finalement, j'ai commencé ma chaîne YouTube 6 mois après, à peu près, 6 mois après l'avoir vu. Et ouais, alors. De quoi tu dis? Non, je dis, t'as eu le déclic, en fait, quoi. Ouais, clairement, ouais. Parce qu'en fait, je trouvais que le traitement du personnage de Maul était vraiment très bien foutu, et enfin peut-être même mieux que dans The Phantom Menace, quoi. Il a plus de temps d'écran, déjà. Il a plus de temps d'écran, ouais. Ouais, c'est vrai. Bien c'est... Le, le costume qu'ils lui ont fait, donc ils ont essayé de reprendre celui de Maul, mais il avait la façon dont ils ont fait le maquillage au niveau de la bouche, on dirait que il me faisait penser à un hamster, tu sais, ou un animal qui aurait bouffé tous les bonbons et qui est genre non, c'est pas moi, avec la lèvre comme ça en fait, ça me faisait mal. Et j'ai remarqué il y avait un petit truc avec le maquillage au niveau de la bouche aussi. Oui. Ah, j'ai pas fait attention. C'était très rigolo. Alors moi ce que j'ai retenu, c'est que techniquement il est très très propre. Ouais, c'est encore aujourd'hui un des plus beaux. C'est une démonstration, je crois. Enfin, c'est il fait plus démo technique du coup pour moi qu'autre chose en fait. C'est plus une volonté de montrer ce qu'on sait faire, parce que c'est ce qu'ils savent faire quoi, plus que d'exprimer quelque chose vraiment quoi. Parce que au-delà du fait tout petit développement qu'a Maul, tout le reste c'est vraiment une débauche d'effet quoi. Mm-hmm. Ouais. Enfin, je trouve. Hein, ils se sont fail sur la police en plus, la police d'écriture. D'accord. Du début. Bah ouais, mais c'est important. Ce qui m'a fait vraiment plaisir, par contre, à moi, c'est qu'ils ont pas remis Jewel of the Fates et ouais, ils ont fait leur propre musique. Et c'est bien. Même, faut pas toucher à Jewel of the Fates. Ça aurait peut-être été mieux s'ils avaient fait une musique originale en mettant des touches de. Jewel of the Fates. J'en profite pour poser la question maintenant. La position de Lucasfilm vis-à-vis de ça, c'est quoi? C'est on laisse faire, ils peuvent utiliser les musiques, c'est bon, c'est toléré. Oui, ils sont au contraire assez regardants et il faut mieux faire du contenu entièrement original, quitte à être basé sur la licence quand même. Oula, alors ça c'est compliqué, on arrive un peu aux questions juridico-économiques, mais concrètement, j'ai envie de dire c'est un peu du cas par cas. On en parlera peut-être plus tard. Ah non, on va pas parler de Vador, on a dit, mais... Ouais, mais justement, exemple... c'est intéressant, là, on peut en parler de Vador, justement, parce qu'il y a eu tout le truc du... il avait demandé... fait une exception, allez. Il avait demandé à Lucasfilm, Lucasfilm lui a dit « Ok, il a fait son fan film en utilisant de la musique pas originale, et il a eu un strike, mais qui venait pas de Disney, mais de Warner, je crois ?» pour la musique Sony peut-être non plutôt et du coup je sais plus bref et du coup c'était pas Disney c'est ça qui est important parce que après il a dit à tout le monde que Disney c'était des gros connards parce qu'il lui avait dit qu'il pouvait et puis il y a une autre boîte qui l'a empêché du coup c'est la faute de Disney ces gros bâtards et Le gars de Star Wars Story je suis vraiment pas fan non pour le coup. Ouais, c'est-à-dire que il fait partie. On peut comprendre la frustration quand même. Oui, mais oui, oui. Faut savoir oui, vers qui l'a dirigé et il a pas fait ça comme il fallait. Donc voilà, a priori, ça dit quand même que Disney et Lucasfilm, eux, ils sont largement ok avec le. Ils sont plutôt cool avec ça. Ouais. Alors encore une fois, ça dépend. Ça dépend pas forcément parce que il y en a eu des fan films strikés ou interrompus en cours de production par Lucasfilm du coup. Eh ben justement, je pense que vous allez en parler, mais Vader en fait au début a failli pas se faire en fait parce que le problème c'est que donc le créateur de ce fan film qui est même pas son réalisateur d'ailleurs, mais c'est juste le producteur scénariste. Donc le gars de chez Star Wars Theory, eh bien, a lancé une campagne de financement participatif. Okay. Et ça, ils aiment pas trop, je crois. Et ça, ils aiment pas trop. Ce qui peut se comprendre, hein, je pense. Ouais, là, pour le coup, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais. Alors après, c'est pas le seul. C'est pas le seul. C'est clairement pas le seul. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. On va en parler plus tard, mais Odyssey, par exemple, l'a fait également, a récolté beaucoup moins d'argent, mais l'a fait aussi, ça a très bien fonctionné, il n'y a eu aucun problème, en tout cas pas à ma connaissance. Mais il faut savoir, de manière générale, Lucasfilm, Disney un peu moins, mais Lucasfilm, de manière générale, est quand même vraiment OP. Et c'est pas CBS, c'est plutôt bienveillant, quoi. Ouais, c'est pas CBS, Paramount ou Warner, quoi. Quoi que Warner, ça dépend. Mmh. C'est du cas par cas aussi. Ouais, c'est vraiment ça l'idée, c'est que on n'est jamais à l'abri. Mais je crois que quand ils sentent que le Kickstarter va passer le million ou des trucs comme ça, ou que ça va partir très loin, ils préfèrent interrompre assez vite, je pense, le truc. Ouais, clairement. Dès qu'ils sentent que la somme va monter très vite, ils préfèrent mettre le holà rapidement, je crois. Ouais. Voilà. Et du coup, on peut en revenir à Maul, parce que c'est vrai qu'à la base, on était là-dessus. Oui, oui, bon, pardon. Et, excuse-moi de poser des questions intéressantes, pardon. Non, c'est clair, c'est clair, c'est très bien. T'excuses, pardon. Justement, c'était bien, du coup, ça faisait partie de mes... des trucs que j'avais bien aimé, le fait que j'ai l'impression que c'est une musique originale, même si à un moment je me suis dit attends mais c'est pas la musique du Seigneur des Anneaux là, t'as la petite la voix unique. Oui c'est vrai, mais tu le fais bien. Tout le délire avec Palpatine, très trop, même comme on l'appelle ici. il connaît l'émission. Ah ouais quand même, mais voilà, donc c'est vrai que c'était pas, enfin. C'est un fan film que ça a été un peu un déclencheur, et effectivement, je l'ai regardé tout à l'heure une deuxième fois, et c'est beaucoup moins cool que ce que je me rappelle. Ah zut. Oh, c'est quand même joli, hein, c'est joli, ouais. Et je crois que Ximnut a bien aimé la chorégraphie, mais vu qu'il aime bien l'épisode 1, ça se comprend. Ouais, mais bon, l'épisode 1, faudrait quand même que je le revoie, parce que comme j'avais pas revu, j'avais pas fait l'épisode avec vous quand vous l'aviez fait, j'ai peur d'avoir le même effet que qu'Adrien quand il a vu le film. En vrai, je comprends, parce qu'au niveau de Maul, justement, alors. La chorégraphie vaut ce qu'elle vaut, il y a des passages où ça n'a aucun sens, on est très proche de la prélogie, mais ouais, globalement, on retrouve un peu le feeling de Maul. C'est-à-dire que pour Maul, ils ont essayé de respecter un peu sa chorégraphie habituelle, les petits sauts, les petits coups de pied, les machins comme ça. C'est fidèle, en tout cas, à l'épisode 1 ou à la prélogie en général. Ça marche bien, quoi. Si on aime les combats de la prélogie, ça passe. Et l'acteur qui fait la voix de Tretros se débrouille super bien. Voilà. Oui, il y a quelque chose. Clairement. Après, c'est pas le plus dur à imiter, je pense, Tretros. Hein. Ouais, mais quand même. Enfin, je veux dire. Il le fait très bien. Ouais, ouais, clairement. Alors, pour parler de lui une dernière fois, pour le coup, celui de Vader le fait vachement bien aussi. Ouais, je suis d'accord. C'est un des trucs bien gérés dans le film, c'est peut-être ça. Mais il y a plus un truc que j'ai remarqué moi en voyant le film, c'est que autant Maul dégage cette ambiance Maul qui avait fait son succès dans l'épisode 1, autant les Jedi sont assez insipides. À part le mec qui a le masque. Autant le design. Sub-Zero, ouais, c'est le masque qui fait. Mais c'est pas que le masque, même le fait qu'il se batte de manière un peu sale, il fout des coups de pied et tout, comme ça lui donne un petit côté, un peu de la texture que les autres ont pas. Ouais, je cringeais sur les Jedi. Ils ont tué la Togruta au bout de 20 secondes, donc oh, où tu veux aller avec ça. J'ai tellement pété un câble. Je me suis demandé si c'était. Vas-y, pardon. J'ai vu la Togruta toute sophistiquée, je me fais, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle ressort d'un gala ou quoi? Et puis elle se fait crever direct, je fais, oh putain. Je me suis dit que c'était une astuce pour pas qu'elle nique son costume. Ah bah voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Ce que j'adore, c'est justement. Je veux bien participer, mais j'ai pas envie de trop bouger. Faut pas que je casse mon costume, ça tient. La colle tient mal. Si je peux mourir vite, c'est ok. Alors justement, le fait qu'elle meure très vite, justement, ça fait partie des trucs qui m'ont vachement embêté dans ce fan film, parce que t'as elle qui meurt et t'as les Jedi gars qui continuent de se battre, et puis t'as la seule autre femme qui arrête de se battre pour aller pleurer, genre non. Et puis en fait elle fait que ça pratiquement tout du long. Et à la fin, elle a le droit à un duel avec Maul, mais cette fois-ci, il y a pas un mec qui peut venir la sauver, donc elle est obligée de mourir. Mais c'était assez cringeant la façon dont les personnages interagissent. Là, ouais. Alors en plus, moi, il y a un truc qui m'a trop fait marrer, c'est quand les Jedi, eux, ils se déplacent pas à deux. Non, ils se déplacent à cinq. Et genre t'en vois un, ouais. Et t'as les autres qui arrivent. Oh mais que se passe-t-il? Oh mais que se passe-t-il? Oh mais qu'est-ce qui se passe? Viens, on se casse, je me sens pas bien. Non mais c'était assez cringeant. Alors que justement sur la deuxième partie, l'environnement, je l'ai trouvé assez plutôt joli par contre. Alors, rien à voir, hein, je vais juste dire c'est joli. Ce que j'aimais bien justement, c'est qu'il y a pas mal de, en fait il y a plusieurs plans en drone qui sont vachement stylés. Mais le problème, c'est genre, à un moment, t'as un super plan zénital, sauf que à ce moment-là, t'as les deux personnages qui sont en train de donner des coups dans le vide. Oui, c'est vrai. Genre, ils se touchent pas une seule fois tout le long du truc. C'est un hommage à l'épisode 2, vous avez pas compris. C'est super dommage. encore une fois, j'en profite pour rebondir. Est-ce que, Adrien, est-ce que ça a un intérêt, enfin, non, pas un intérêt, comment dire, est-ce que ça vaut le coup de shamer comme ça les fanfilms sur ce genre de truc, en fait? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de moyens forcément derrière, il n'y a pas forcément non plus la technicité. C'est quoi ton point de vue, toi, là-dessus? Est-ce qu'on peut en rire comme d'un film normal et du coup dire, ah bah, regardez, là, ils se sont plantés? Ou est-ce que t'as plutôt une certaine tolérance, il va dire ça, vu que t'aimes bien le côté amateur, tu disais? Alors, pour le coup, il faut savoir que ouais, le côté amateur, j'aime bien, en l'occurrence, ceux qui ont fait Maul, je pense que c'est tout sauf des amateurs. Ils ont même mis... Les gars, ça... C'est vrai. Les gars savent ce qu'ils font, ils le font même plutôt bien, pour le coup. Même s'ils n'ont pas trop de scénaristes, malheureusement, mais... mais voilà, ils le font bien, et pour le coup, des fanfilms comme ça... Ouais, tu peux très bien parler mal d'eux. Par contre, les fanfilms où c'est un groupe de potes qui font ça dans la forêt à côté de chez eux et qui, voilà, je sais pas, ont un bout de bois et qui font genre c'est des Jedi, ben là, je vois difficilement l'intérêt de se moquer, quoi. Ouais. Non, mais même en général, tu peux te moquer tout en disant que c'est quand même ouf d'avoir réussi à faire ça. C'est pour ça que je dis... Il y a quand même des plans vraiment super super bien réalisés, hein, quand même. Et puis c'est pas bien vraiment sûr, la moquerie, hein. C'est juste souligner que du coup ils auraient pu profiter du plan en drone pour faire un truc cool et voilà, c'est pas une moquerie particulièrement. Ah non, mais c'est juste que je rebondissais là-dessus pour partir sur une autre. T'aimes bien, oui, mais c'était une bonne question. Honnêtement, moi j'ai pas vu qu'ils tapaient dans le vide. C'est pour ça que j'ai pas pinaillé à ce point, j'ai pas regardé. Enfin, j'ai savouré le truc, c'était plutôt cool à regarder, même ce duel final avec les petits plans drones là. Je trouvais ça bien sympa, donc j'ai même pas fait gaffe qu'il tapait dans le vide à ce moment-là. Voilà, c'est juste pour rebondir sur la question. Non, mais Maul, visuellement, c'est super sympa à regarder, quoi. Le début, c'est très jeu vidéo, c'était quand il était dans son hub là. Sympa. Ah oui, alors ça par contre, ça il faut en parler, parce que c'est pas possible, tu fais pas ça en 2016. Enfin, c'est Minority Report, il a quoi, il a déjà 10 ans. Il faut pas faire ça, messieurs. Enfin, calme-toi. C'est illégal, un truc pareil, quoi. Je t'ai dit de te calmer. Un des trucs qui est bien, c'est que du coup, c'est super super moderne aussi dans la façon de faire Maul. Mais du coup, on voyait aussi ses sourcils des fois. Voilà. Ok. Ça m'a fait marrer parce que du coup je me disais le maquillage est plutôt sympa. Ils ont essayé de pas faire trop patafix au niveau des cornes. Et puis j'ai vu qu'il y avait ses sourcils et ça m'a fait beaucoup trop rire parce qu'il y a un plan où il est comme ça super badass et tu vois les petits poils sur le côté. Moi le seul truc que j'ai marqué c'est que l'espèce de Jedi un peu le maître en fait j'ai l'impression. Moi j'ai marqué que c'était Oggy Ben Doggy du coup. qui a le sabre le sabre laser de l'espèce de Obi-Wan Leader Price, tu sais, oui. J'y pensais aussi. Et ouais, bon, pour le coup ce film est vraiment moyen à y repenser. Après j'avais beaucoup aimé le traitement du personnage de Maul dedans et notamment sa relation avec la Padawan, parce que du coup toute l'idée en fait que le vrai méchant dans l'histoire c'est pas Maul c'est Palpatine. Et bien en fait on la ressent dans ce fanfilm parce que on voit bien à travers le regard de Maul, à travers les quelques plans finaux où il regarde la Padawan en se disant mince, qu'est-ce que je fais, est-ce que je la tue ou pas, on voit bien qu'il y a des sentiments derrière et pour le coup ça augmente un peu le background et honnêtement ça marche plutôt bien avec toute la reprise de Maul et son arc dans Star Wars Rebels, quoi. Oui, ouais. Ouais. Maul est bien traité, mais les Jedi sont... Ouais, non, c'est du coup, j'en profite. Une question qui n'était pas prévue, mais... Alors, pour toi, celui-là, il pourrait être canon ou pas? D'après moi, celui-ci pourrait carrément être canon, pour le coup. On va faire ça tout le long, ça va être rigolo. Oh, punaise, les pauvres Jedi, tu vas pas leur faire ça en plus. Oh, punaise, ils sont déjà assez débiles comme ça dans la prélogie. Mais je sais, ouais, il me semble que... Maul, il n'est pas justement connu... Il n'est pas connu par les Jedi, mais il me semble qu'avant le 1, il y a tout le délire de, en gros, il a tué des Jedi qui sont disparus, on ne sait pas trop comment, ou non, il n'y a pas ça? Je ne sais plus. Dans le canon, je ne sais pas, il y avait un super livre qui s'appelle L'Ombre du Chasseur, dans le Légende. Puis si vous avez le mot, il faut le lire, il est super cool. Oui. Où là, il traque effectivement un apprenti de Jedi dans les souterrains, dans les sous-sols de Coruscant, c'est assez cool. Je ne sais pas s'il y a autre chose. honnêtement, surtout dans le nouveau canon. Bah dans la prélo, y a pas grand chose parce que de toute façon les Jedi ils arrivent même pas à sentir qu'il y a un Sith juste à 2 cm 2, donc ils sentent pas que leurs potes sont en train de crever le mouvement de la galaxie. Les Jedi en mousse quoi, putain. Mais Maître Sifo-Dyas, il est pas genre mort il y a 10 ans. Oh. Et du coup, je voulais aussi parler d'un autre qui est très joli dans un autre style, qui s'appelle Rebel Scum. J'adore. Que j'ai trouvé assez sympa, même si je l'aime beaucoup. Même si du coup, il a en fait, parce que ça, c'est un exercice de style pour refaire les films de des années 70, en fait. Hein, c'est, pour moi, c'est un hommage, en fait. Plus ouais, c'est ça. Et on va y venir. Du coup, la façon de filmer, la façon de traiter un peu tout le truc, ça fait t'as l'impression qu'il est sorti des années 70 et a été restauré pour l'occasion. Qu'il y a quelques plans qui sont assez jolis. Qui a quelques problèmes dans sa narration, mais bah, ça. Ouais, moi le plus gros problème que j'ai avec, parce que j'ai bien apprécié, mais c'est à la fin quand il prend la place de la Snowtrooper et qu'il se retourne face caméra et qu'il regarde l'hologramme de sa famille, je trouvais que c'était vraiment surfait, alors que juste après il y a un le plan peu trop, un petit peu too much. Ouais, il y avait le plan de la nana dans sa tenue à lui juste après, ça suffisait amplement, il y avait pas besoin de le laisser 5 minutes devant son hologramme juste devant les autres mecs, tu sais, c'était vraiment pas nécessaire et un peu problématique, genre le mec il a un comportement bizarre, tu vois, les gens ils le voient arriver, ils sont qu'est-ce que tu fais. Et aussi un truc qui m'a fait marrer, mais ça m'a pas gêné, mais j'imagine que les gars, ils ont les identifiants de la personne, donc ils vont se mettre à lui parler. La nana, qui est donc la personne qui est censée être une nana, va se mettre à parler avec une voix de mec, ils vont être genre « Tu vas bien ?» Ouais, non, c'est le froid, j'ai attrapé un rhume. Forcément, de ce point de vue-là, il y a plein de trucs qui matchent. Mais ça, c'était rigolo, ça m'a fait rire. Il fait chaud, mais il meurt 2 heures après. Hein. C'est la technicité, quoi. Le film, le fan film, alors juste rapidement, c'est vous pourrez le voir sur la chaîne YouTube du coup via notre playlist, mais en gros c'est un pilote rebelle qui a été oublié sur Hoth ou laissé pour mort et qui parvient plus ou moins après la bataille à s'en sortir après la bataille. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que le film est de 2016 et refaire les mêmes défauts, si on peut dire, techniques qu'en 80. Je crois qu'il est sorti en 80, si je dis pas de bêtises, Empire Contre-Attaque. Ouais, c'est ça, 80. Oui, 81. C'est. Je crois, non, non c'est 80. 80 ou 81, je sais plus. Non, 80, je crois qu'il dit 80. Jedi. 80. Je dis des conneries. Mais visuellement, il est super impressionnant. Je trouve qu'il est magnifique. Notamment, il y a tout cet aspect de tout l'aspect stop motion qui a été refait pour l'animation du droïde sonde et du TBTT qui a donc été fait vraiment avec une maquette qui bougeait frame par frame. Ça, c'est impressionnant, c'est la photographie aussi. La photographie et puis les lieux. Ils sont allés filmer au Canada, à Alberta, c'est pas loin de chez moi, c'est en Alberta, c'est dans le parc national qui est juste à côté. Je l'ai vu ce coin là, le Columbia Icefield, c'est vraiment un endroit magnifique, il y a une tonne de films qui sont filmés là-bas. C'est superbe. Hein. C'est vraiment c'est parfait, c'était parfait pour reproduire l'ambiance de la Suède de la Norvège de Hoth. J'ai cru vraiment que c'était filmé en Norvège au début. Je me suis dit ils sont allés là-bas quoi. C'est au niveau de la lumière et tout, on est vraiment raccord. C'est impressionnant, c'est un film qui il dit vraiment c'est un bout de l'Empire Contre-Attaque qu'on aurait oublié et il essaie de s'amener comme ça et ce que j'aime bien c'est que c'est pas un fan film qui cherche à se mettre dans à s'intégrer dans la grande histoire de Star Wars avec Maul, avec Vador, avec tout ça. C'est un pilote comme ça oublié, le mec il est laissé pour mort, genre on s'en fout quoi. Non mais de toute façon il est mort, on fout qu'on y aille, là, on n'a pas le temps. Mais c'est ça. Faire un détour, il aura qu'à prendre un Uber, on se dit se démerde. Mais voilà, c'est vraiment une petite. Pardon. Une part de l'histoire oubliée. Et je trouve ça bien dans les fanfilms de border ce genre de sujet parce que ça permet de construire sa propre histoire derrière. Pas non plus très développé. Pour le coup, si je puis me permettre, c'est vraiment beaucoup en raccord avec les nouveaux films et tout ce qui se passe autour. Parce que si on y réfléchit un petit peu, Star Wars 8, il n'y a plus de héros. Enfin, c'est on s'intéresse à qui comme personnage, à des personnages qui sont à la base lambda, à la mécanicienne. D'ailleurs, petit truc un peu drôle. Enfin, j'aime beaucoup beaucoup Rose et vraiment, voilà, j'ai pleuré presque quand Kelly Marie Tran a eu une standing ovation. J'ai pleuré. C'était le meilleur moment de toute la célébration. Oui, vraiment. Enfin, voilà. Et du coup, c'est ça aussi qui est intéressant avec les nouveaux films. Et finalement, des personnages lambda deviennent héros et pas des personnes qui étaient prédestinées par une quelconque prophétie ou par du sang, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Et on le voit bien dans ce film. Ouais, c'est pas des héros ou des anti-héros, c'est tout le monde, en fait. On le voit aussi dans... Ouais, c'est ça. Et on le voit aussi dans Rogue One, dans Solo, on le voit beaucoup dans les nouveaux films où c'est plus des héros, c'est plus des légendes, en fait. C'est ça qui est bien. Pour revenir sur le fanfilm, je trouvais que le droïde sonde était très bien fait aussi. Le seul truc que j'ai trouvé moins bien fait, c'est le AT-AT. Ils avaient vraiment un problème avec l'incrustation. Quand on le regarde marcher, et notamment ses pattes, ça fait vraiment, vraiment pas du tout bien intégré, et ça fait pas vrai. Mais sinon, c'est l'animation qui te faisait... L'animation, le fait qu'on a l'impression qu'en fait, il flotte, il touche pas le sol, et qu'il il est... Si tu regardes en haut, il est bien intégré au niveau de la lumière et tout, mais si tu regardes ses pattes par rapport au sol, on dirait vraiment qu'il est... qui flotte, qui n'est pas sur le sol. J'ai pas de souvenir. T'as pas l'impression de l'impact dans la neige. Il y a peut-être un moment à la fin où ça le fait moyen, ouais. Voilà. C'est vrai que sur la fin, t'as l'impression qu'il a déjà atteint son maximum niveau effet. Mais sinon, c'était plus. Et sur la fin, ils étaient un peu fatigués, ils en avaient un peu marre. Ils avaient plus de budget, ils se sont dit, oh merde, on a tout dépensé pour le droïde. En fait, c'est pour ça qu'ils ont mis la scène de l'hologramme. Regardez là, regardez pas notre AT-AT qui a du mal à marcher dans la neige. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on disait justement, au niveau des sons et de la réalisation, justement, ils sont allés à fond dans l'hommage. Et vraiment, le son est vraiment super bien géré. Et justement, je sais pas s'il y en a qui sont au courant, mais la musique de fin, c'est Mars de Gustav Holst, qui a été une des inspirations et des tempes, des tracks temporaires du premier Star Wars. C'est même la toute première après le bandeau défilant, qui était intégré pendant le montage, pour faire le montage du premier Star Wars de 77. Et du coup, voilà. Bah pour te compléter, la première, c'est Vénus. C'est dans la description de la vidéo, carrément. J'avais pas fait attention qu'il y avait Vénus aussi. Ouais. Donc, il y a les deux. C'est complètement ça. Alors moi, je suis d'accord sur la plupart des choses qui ont été faites, ce qui ont été dit, notamment sur tout ce qui est sur la photographie. Moi, personnellement, quand je regarde un fan film ou n'importe quel film, en fait, ce qui va me sortir du truc, en me disant ouais non c'est cheapo, c'est tout, c'est vraiment la manière dont les plans sont découpés. C'est un truc qui m'a sorti d'un certain nombre de films que j'ai regardé là avant le début de l'émission. Celui-ci vraiment s'en sort magistralement. Les plans sont bien équilibrés, ils sont réalistes, il y a des mouvements de caméra comme il faut. Alors après, les mecs prennent pas trop de risques. Ils ont vraiment pris le style ils ont carrément presque pastiché le style des films. Ils ont pris vraiment les mouvements qui étaient originaires des. Le truc, c'est qu'ils ont, alors après, on peut lui reprocher éventuellement le manque de prise de risque. Ils ont pris ce qui marchait. Ils ont fait exactement la même chose. C'est peut-être un reproche qu'on peut faire, mais quelque part, je préfère ça par rapport à d'autres films. Moi, je vois le côté hommage. Oui, à ce côté-là aussi, je pense. Ouais, ouais, complètement. Mais voilà. On peut voir ça des deux façons. Personnellement, je préfère ça plutôt que voilà des plans mal équilibrés qui vont vraiment me sortir du film. Bien sûr, de tous ceux que j'ai vus, je trouvais que c'était celui qui avait la meilleure photographie, les meilleurs plans. Ils ont calqué la réal de Kirchner tout le long, en fait, mais presque. Oui, c'est ça. Et Carpenter, je trouvais aussi un peu. Mm-hmm. Mais si c'est vraiment un hommage, les mecs qui se disent on est en 2016, on essaie de faire pareil maintenant. C'est un beau challenge, quoi. Et un dernier truc que j'ai noté, de tous les fanfilms que j'ai trouvé que, même s'il parle pas beaucoup, c'était le héros le plus attachant que je trouvais, de tous les films que j'ai vus, parce que tu le sens vraiment dans la détresse et tout. c'est vraiment, voilà, quand je le vois assis dans la neige comme ça, mais j'avais vraiment de la peine pour lui, j'étais vraiment attaché au personnage, même si finalement je connais pas son histoire et il parle pas beaucoup, ça m'a vraiment touché. Donc j'ai, c'est aussi un truc qui m'a fait aimer le film. Ouais, c'est un humain normal en fait, c'est ça le truc en fait, c'est qu'on est forcément attiré par la vie d'un mec lambda, un rebelle lambda et pas un héros, pas un... Non, ça marche très très bien, c'est complètement ça, voilà, on n'a pas besoin d'avoir des mecs légendaires qui vont libérer une planète à eux tout seuls, et justement, c'est ça le tour de force, parce que le mec parle presque pas, voire pas du tout, non si, quand même, il appelle au tout début, il appelle ses potes, mais c'est tout, et pourtant on arrive à créer un attachement avec le personnage, donc ça faisait partie de la réussite du fan film pour moi. Ouais, ça on pourra en parler quand on parlera de la nouvelle trilogie, vas-y. De quoi ? Bah de l'aspect Monsieur Tout le Monde. Ah oui. Non. Par contre, ce qui est un autre où ça parle pas beaucoup et qui est aussi une sorte d'exercice de style, c'est TIE Fighter, qui a eu un gros buzz aussi à un moment, qui est un animé. Malade, ce truc. Alors moi, je l'ai pas revu pour l'occasion parce qu'on en a parlé aujourd'hui vite fait. Mais moi, je savais pas qu'il fallait le voir. Non mais voilà, c'est-à-dire que t'as Matt qui est arrivé qui fait « Oh, on va regarder ça !» Mais non. Mais bon, moi je l'avais déjà vu. Mais voilà, c'est bien, c'est cool, c'est refaire des trucs dans un autre style. Et du coup, Matt, qu'est-ce que c'est TIE Fighter ? Explique un petit peu. TIE Fighter, c'est l'histoire de TIE Fighter dans l'espace qui se battent. Voilà. Du coup, on peut passer à la suite. En gros, c'est une bataille spatiale. Si on veut faire très court, voilà, il y a pas plus simple. C'est une bataille spatiale entre des chasseurs taille et des X-Wing. Enfin, entre l'Empire et les Lance-Rebelles, quoi. Il y a pas énormément d'autres choses à dire. Et puis surtout, c'est fait dans un style d'animation japonaise. C'est ça la façon dont c'est fait, quoi. C'est qu'on retrouve, Gundam, on retrouve pas mal d'animés dans ce style. C'est ouf qu'il y ait des Gundam dans Star Wars d'ailleurs. C'est super bien fait, quoi. Non mais je fais pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Ah ça y est, il parle plus maintenant. Ouais, je vous. Ouais. Émerdez-vous, je m'en vais. Moi, je l'ai vu. Alors, je regarde pas des tonnes d'animations japonaises. Et j'ai presque... Alors donc, c'est ce que tu disais, Grushkov, il y a zéro dialogue dans tout le film, c'est uniquement de la musique, et j'ai presque regretté que la musique ne soit pas allée à fond dans le délire Japanimation avec, je sais pas moi, un thème chanté, avec comme dans un animé classique, plutôt que de faire uniquement un instrumental. Ça m'a... Ah oui, il y a un truc aimé. À faire, c'est clair. Tu le fais en ouais. Yaourt. Mais oui, carrément, voilà, j'aurais kiffé. C'est un rigoureux. Mais. Mais non, tu le fais en utèse. Ouais. En même temps, c'est l'œuvre d'un seul mec, hein. C'est. Je pinaille. Pas que d'un seul mec, mais Paul Johnson, il a quasiment fait ça tout seul, quoi, pendant 4 ans. Ça a pris 4 ans de faire ce truc-là. Il me semble qu'il a fait une version remasterisée, d'ailleurs. Il y a une version remasterisée, ouais. Je crois. Ah, ouais, ok. Voilà. Et du coup, alors après, j'ai trouvé que c'était un peu le bordel. C'était un peu difficile à suivre, je trouvais parfois. Mais encore une fois, c'est parce que des animés. Ouais, je pense qu'il doit y avoir de ça. Mais c'est superbe. C'est vraiment très beau. C'est punchy. Ça bouge bien. C'est très beau. C'est très bien dessiné, bien animé. J'aime le fait qu'on voit quelques pilotes également pendant les phases de combat à travers le casque. Il y a des petits effets comme ça, voilà, qui rappellent des trucs comme Gundam, tout ça aussi. C'est très cool et ça te donne envie de j'aimerais bien suivre un peu ces pilotes, voir ce qu'ils font derrière et tout. Et je pense que à mon avis le fan film a été inspiré des bouquins des X-Wing. Il y a forcément un bout de ça derrière, je pense, quelque chose comme ça. On retrouve, enfin je sais pas, moi quand je le vois, je retrouve des feels de cette série de bouquins, même si du coup le point de vue est du côté impérial, il y a un petit truc comme ça qui est très sympa. Et ça donne envie d'une série entière comme ça, avec ce style. En parlant de point de vue impérial, là récemment, là en 2018, il y en a eu deux qui sont sortis qui. T'as des choses dans les transitions, c'est ça? Ouais, j'avoue. Incroyable. Dont un des deux, justement. En fait, les deux qui sont sortis là, clairement, ils ont une inspiration Rogue One. Et il y en a un des deux. C'est en 2016. Hein. Quoi? Il y en a un des deux, c'est en 2016. Attention. Ils sont pas sortis tous les deux en 2018. Ah, non, ils sont sortis tous les deux en 2018. Ouais, les deux en 2018. Moins qu'un autre. Voilà, ouais. Mais en 2016, par contre, ça a été une grosse année niveau fan film. 2016, ça a été ouf. Ça a été ouf. Bah oui, parce que pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé l'année d'avant? Aucune idée. Il y a eu l'épisode 7. Ça a été relancé. Il y a eu l'épisode 7 en 2015, donc c'est pas étonnant que. Mais tous les ans, il y a un nouveau. Tous les ans, il y a un nouveau Star Wars, c'est vraiment. Sur internet, moi je le vois quand je fais mes recherches, quoi que ce soit, il y a vraiment une tendance incroyable où il y a, je pense, enfin là on attend encore un peu, mais je pense que d'ici le mois de septembre octobre, on sera inondé de fanfilms de Star Wars pour mon plus grand plaisir. Il y a des trucs qui ont déjà été annoncés, des teasers, des trucs comme ça. Bah là on attend la suite de Vader, mais ça à rigueur je m'en fous un peu. Mais il n'y aurait personne. Ouais. Moi j'ai vu passer un Kickstarter pour un film sur Kenobi. Sur la vie après qu'il ait amené Luke à sa famille et qu'il vive sur Tatooine. J'ai vu passer un Kickstarter là-dessus. C'est tout à fait vrai. Quand Disney va faire sa série là-dessus, il va être deg. Ouais, mais ça, c'est un gros fantasme des fans de Star Wars. Il y a des tonnes de fanfilms sur Kenobi entre le 3 et le 4. Quoi. c'est assez dingue. Mais pour le coup, ouais, là, j'ai assez hâte de voir de nouveaux fanfilms. Et en même temps, on ne remarque pas que pour Star Wars. Par exemple, je vois sur Halloween, il y a eu un nouveau film, la suite de Halloween de Carpenter. Justement, on revient à Carpenter. Eh bien, il est sorti il y a quelques mois maintenant, le nouveau film. Et en fait, ben, j'ai vu cette année un nombre énorme de fanfilms de Halloween. Ah, c'est marrant, ça. Il y a vraiment cette tendance. Ça donne envie aux gens, en fait. Ça donne envie de faire... Vraiment, c'est marrant. T'as vraiment des périodes comme ça. Genre, quand il y a un vendredi 13, tu peux être sûr qu'il y a au moins 2-3 personnes qui vont poster un fanfilm de Jason Voorhees, quoi. Il y a forcément un samedi 14 après, quand il y a un vendredi 13. Bon, ça suffit maintenant. du coup, moi, vous m'avez coupé en plein élan, mais du coup, on va peut-être pas en parler. Non, on y revient. Parce pardon, que hein, ça fait quand même plus d'une heure d'émission. Là, maintenant, on va se calmer. du coup, je parlais de deux fanfilms qui sont sortis en 2018 qui ont une grosse, grosse empreinte Rogue One. Ce qui m'avait inquiété au début, parce que j'en parlerai dans l'épisode sur Rogue One. C'est pas Rogue One, mais en plus, qu'est-ce que tu veux dire par il y a une influence Rogue One? C'est parce qu'il n'y a pas de Jedi. Bah déjà, il y en a un, c'est littéralement regardez, c'est la bataille de Scarif. Mais il y en a un, il y a une plage, il y a les Short Troopers, je ouais, sais la pas plage, ce qu'il okay. faut. Le titre. Le titre des fanfilms, c'est exactement la forme et police et couleurs. Donc les deux fanfilms, c'est Odyssey qui est plutôt du point de vue des rebelles avec une voix off et Bucketheads qui est plutôt du point de vue des impériaux et il y a pas de voix off et un des deux est sûrement mon fanfilm préféré et je m'y attendais pas du tout surtout qu'en plus c'est Bucketheads parce que j'avais très peur justement des mecs fans de Rogue One qui en plus font un truc sur l'Empire. Je vous assure que moi j'étais pas bien hein. Et au final je trouve que c'est super bien géré. Il est bien filmé. Ça pourrait être mieux, mais pour un truc amateur, c'est vraiment vraiment super réussi et assez sympa, voilà. Juste, je profite. Bucketheads a été mon fan film de l'année 2018. Je dis juste ça. Voilà. Et franchement, je comprends pourquoi, parce que moi, justement, j'ai un gros problème avec les fanfilms, parce que, bah, je sais pas, je trouve ça tout le temps cheap et j'ai vraiment du mal. Mais voilà, j'ai réussi à mettre ça de côté pour oui, certains, plutôt dont joli celui-là. En plus, hein. La réalisation était sympa, l'image était chouette. Voilà. À vous les studios. Je crois que c'est le fanfilm avec le meilleur générique de fin aussi. Oui aussi. Ah oui. La musique, je l'ai écoutée en boucle. Ah, j'ai pas regardé ça. Oh la vache. Et les images étaient trop bien. Il est esthétisé en noir et blanc avec des casques de Storm et tout. Et la musique originale aussi. Très cool. Oui, la musique aussi est super, super sympa. Ouais. Ah, oui. Non, oui, il était très très cool. Et Odyssée, alors Odyssée, j'ai eu plus de mal, moi, perso, déjà parce que j'aimais pas la voix off, je trouvais ça débile, ce qu'il racontait. Moi, je comprenais rien. Je trouvais ça cheesy. Je suis d'accord avec toi. Ouais. C'était Emmanuel Macron. Non mais désolé, mais ça m'a sauté aux yeux la première seconde que j'ai vu le mec. Le héros, il ressemble à un start-upper, mais il s'est perdu. Il a rejoint l'Alliance au lieu de rejoindre. Il ressemble pas à un start-upper, il ressemble à le start-upper. Voilà. Non mais c'est fou. Je pourrais plus voir le fan film sereinement. C'est bon, j'arrête le truc. Tu me l'as ruiné là. Je suis désolé. Ouais. Quand t'as sorti ça tout à l'heure. La mise en scène et l'histoire, etc., était un peu cheap aussi sur celui-là. En fait, je sais pas si c'est cheap, c'est cheesy quand même. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu dis, est-ce que c'est, enfin, c'était limite de la parodie, tu sais. Mais je pense pas que c'était l'intention. Mais non, t'as du tout. Vraiment, ça faisait très. Il y a un côté cheesy, je suis d'accord, mais. La meuf qui regarde bombe avant d'exploser en mode. Une bombe. D'ailleurs, c'est l'effet le plus moche du surtout. Film, c'est la bombe. Et ils l'ont mis deux fois. Parce que tu sais, si jamais t'avais pas remarqué que l'effet de la bombe était dégueulasse quand elle explose. En plus, elle a pas d'instinct de survie, quoi, la nana. Oh mince, il y a une bombe. Bon, je vais mourir. Bon, bah, tant pis. Mais alors, voilà, c'est ça que je voulais dire, justement. Là, après, il y a quelques jolis effets, il y a des belles scènes. J'ai coupé il y a des jolis moments. Oui, je fais souvent, j'aime. Mais, justement, ça, c'est littéralement un copier d'une scène de Rogue One, tu vois, celui-là, il en a vraiment plusieurs des comme ça, et du coup, c'est un peu plus gênant, je trouve, parce que c'est. Je pense qu'il a bien aimé Rogue One, mec. Oui, mais il y a des chances. Tu fais un fan film comme ça, sois un peu plus créatif, genre. Mais un vraiment, striptease de Krennic. T'as des moyens là. Le mec qui a fait Rebel Scum, il a dû beaucoup aimer l'Empire contre-attaque aussi, quoi. Oui, mais voilà. Oui, mais c'était intéressant, ça racontait quelque chose. T'as le feeling, mais t'as pas le copier-coller, ce qui est justement réussi dans Buckethead aussi, parce que t'as le feeling du truc, mais c'est pas des plans, ils sont pas sur une plage, là ils sont dans une forêt, parce que de toute façon t'es soit dans un désert, soit dans une forêt dans Star Wars, alors que l'autre, voilà. On a une plage maintenant. Grâce à Rogue One, on a le droit aux plages maintenant. Après, c'est vrai qu'il voulait faire passer un message mignon, tout ça, mais c'est vrai que ça faisait un peu cheesy et. Ouais. Super, la galaxie en marche. Encore une fois, je digresse. Mais, du coup, Adrien, le fait que les scénarios comme ça soient rarement super intéressants, c'est que les mecs en eux-mêmes n'ont pas le temps de développer. Ils savent que le fan film va être très court. Niveau budget, c'est trop juste pour faire un truc intéressant. T'es pas juste pas de scénario. Parce qu'on s'amuse et on fait pas de scénario, ou y a pas de scénariste, ou on veut juste faire du Star Wars, allez, on y va. Sans avoir un discours derrière. Ouais, en fait, faut savoir déjà que, écrire un scénario, c'est quand même un métier, quoi. Et, certains fanfilms, effectivement, ont des scénarios assez rapides, assez expéditifs. Et en l'occurrence, ouais, je sais pas trop, pourquoi effectivement il y a tant de, parce que pour le coup à y penser comme ça, tu vois, on peut forcément se dire que si on n'a pas forcément toutes les compétences techniques, on peut au moins écrire un bon scénario, tu vois. Ouais, mais c'est pas si facile, je pense. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est plus souvent l'inverse, en fait, maintenant. Parce qu'en moi j'ai remarqué ça récemment, avec notamment les leaks de Star Wars 9. C'est quand il y a des trucs qui arrivent et les gens sont genre en panique, en mode « Oh, comment ça peut se passer comme ça ?» Alors que moi, quand je vois des leaks, j'imagine plein de scénarios, de trucs dans lesquels ça pourrait aller. Et les gens, j'ai l'impression, ont pas cette façon d'imaginer plein de fils différents qui pourraient conduire au truc. Et c'est comme ça que je me dis qu'en fait, oui, avoir l'imagination nécessaire et le raisonnement nécessaire à faire des scénarios, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Engagé Tuki. Ouais, engagez-moi. Tout le monde va mourir dans vos films, mais ce sera bien. Un truc que j'ai trouvé intéressant dans ce film, justement parce que c'est un des films qui a le plus grand nombre de personnages, et ils se sont quand même, ils ont essayé. Alors il y a pas d'aliens, mais ils ont essayé de faire un peu de diversité, pas de mettre juste des mecs blancs. Oui. Pour le nombre d'acteurs qu'ils avaient, c'est bien qu'ils aient essayé de varier un petit peu. Dans les deux, dans Odyssée et Buckethead, et c'était assez cool, voilà. Qu'il y avait quand même. C'est pour ça que j'ai bien aimé que Matt mette que c'était une sorte de nouvelle vague de trucs, parce que c'est vrai que t'as clairement l'avant Force Awakens et l'après, où déjà les gens commencent à faire des trucs plus divers. Il y a des femmes, hein, des gens parce de couleur, que voilà, on a beau dire, mais c'est vrai que Star Wars, ça reste un fer de lance de la diversité, et c'est pour ça que j'aime tout le temps, toujours autant cette saga, parce que elle, regarde, c'est beau. Pousse c'est les beau. Gens à donner le meilleur. Ouais, c'est ça. À s'améliorer. C'est pour ça que maintenant on veut des gays. Mais il y a déjà Po. Oui, on veut l'officialisation. Et, si je puis me permettre, dans Bucketheads en plus, l'histoire globalement c'est quoi ? C'est un Stormtrooper qui a mis avec une autre Stormtrooper qui pour le coup, elle, n'attend qu'une chose, rejoindre sa femme, tu vois. Mm-hmm. Oui, oui. Mm-hmm. Il me semble qu'il y a une délire de couple. De Mais t'avais couple, pas compris Mais non, je comprenais rien de ce qu'il disait. Elle lui passe la photo là, quand ils sont en ligne. Oui. Il passe la photo de sa copine. Ah oui, elle lui montre la photo. Oui, c'est vrai. Et c'est, je n'ai pas vu beaucoup d'autres. Même, je crois que c'est l'un des seuls films où de Star Wars, l'un des seuls fan films de Star Wars où j'ai vu une relation sexuelle qui soit sous-entendue. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était cool. Ouais. Mais c'est pour ça que c'était le meilleur. Ouais, et je pensais même pas à ça quand je disais que c'était mon préféré, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Alors moi, il y a un autre truc que j'ai remarqué sur la nouvelle vague des films, c'est, sur la playlist qu'on a créée, on a trois films sortis en 2018. Donc voilà, on a Odyssey, Bucketheads et même Vader, même si on n'en parle pas. On a trois films qui utilisent le cinémascope, le format cinémascope, donc voilà, très allongé. Et on a deux films qui savent pas l'utiliser, c'est Vader et Odyssey. Il y a juste Buckethead qui s'en sort bien, je trouve, parce que notamment dans Odyssey, c'est un petit souci, donc ils ont ce format cinémascope très allongé, mais ils font quand même des plans assez rapprochés, ce qui fait que ça découpe la tête des personnages et l'action est pas lisible et tout. Ils s'en sortent pas bien, alors que Buckethead arrive à justement alterner des plans un petit peu. Ils font quand même deux trois gros plans, mais ils arrivent à l'utiliser correctement, à mettre en valeur leur super environnement de forêt. C'est le seul qui s'en sort bien, et ça fait partie de ce que je disais sur la mauvaise utilisation des plans qui me sort d'un film. Voilà, pour le coup, Bucketheads, il a aussi une super photographie, une super mise en scène, des jolis mouvements de caméra, c'était vraiment super réussi. J'ai bien aimé dans la mise en scène, justement, qu'ils mettent les close-ups sur la résistance, qui a vraiment l'air d'être une menace, en fait. Et j'aime bien aussi cet aspect-là, parce que techniquement, du point de vue des soldats de l'Empire, les autres, c'est des terroristes. Même si on sait qu'en fait, ils se battent parce que l'Empire, c'est une dictature. Mais du coup, j'aimais bien l'aspect menace cachée, qui rajoute un peu de suspense et tout. Ils ont plutôt bien géré ça dans la mise en scène. Mais justement, je suis complètement d'accord avec toi sur l'aspect, différence de point de vue, parce qu'il y a un moment où les Stormtroopers discutent avec leur otage, qui est donc un dirigeant de la rébellion. Donc voilà, l'histoire de Buckethead, c'est un groupe de Stormtroopers qui doivent escorter un chef de la rébellion, et qu'au bout d'un moment, vont se faire tendre une embuscade par les rebelles. Il y a toute cette scène où les Stormtroopers discutent avec le leader rebelle, et notamment, ils parlent de la même situation, mais avec différents points de vue. T'as d'un côté, les Stormtroopers qui disent, nous on est là pour défendre les civils, c'est vous qui êtes des terroristes, et d'un autre côté, t'as le dirigeant rebelle qui va dire, mais non, vous voyez pas que vous êtes en train, vous défendez un système qui devient de plus en plus autoritaire, et ça fait partie un petit peu des points de vue, de ces films à message, des films qui sont pas juste là pour raconter une histoire Star Wars, mais qui disent des choses de la réalité. Et je trouvais que c'était pas fait de manière brutale, c'était bien amené, je trouvais, c'était subtilement fait, mais ils le disent quand même, mais ça aussi, ça rendait le film super intéressant. Ouais, avec le Stormtrooper qui connaissait un autre gars de la rébellion, c'était intéressant aussi ce côté, ils viennent parfois de backgrounds similaires, et c'est juste qu'ils n'ont pas pris les mêmes chemins. Oui, tout à fait. Ouais. Ça rappelle un peu l'idée avec Tam et comment il s'appelle, Kaz dans Star Wars Resistance, quoi. Ouais. Voilà. Du coup, et un autre point de vue, je reviens sur ce que tu disais toi, Grushkov, sur l'inspiration Rogue One, qui pour le coup, là, je pense que c'était un truc bien, qui était, c'était une bonne idée de l'avoir repris. C'était le côté rendre la guerre réaliste, pas la rendre sexy. Quand ils se font attaquer, voilà, c'est pas, voilà, on voit, ils ont des gros plans sur le mec qui est vraiment, je parle de Bucketheads, le mec il est en panique, il va peut-être se faire tuer. C'est pas de la guerre héroïque. Et c'était déjà un élément qui était un peu. C'est sale, hein. C'est sale dans Bucketheads. Ouais. Ouais. Et ça fait, c'était un petit peu présent dans Rogue One, donc j'aimais bien. Ouais. Oui, dans Rogue One, ils sont très héroïques quand il y a la bombe nucléaire qui explose, hein, littéralement. C'est genre, ok, donc ça, c'est un mauvais exemple. Mais il y a certains moments dans Rogue One où, au contraire. Les scènes sur Scarif, les scènes de guérilla sur Scarif, on est clairement dans un film de guerre. Ça pourrait être le Vietnam, quoi, en fait. Voilà. On va bientôt je suis d'accord que la destruction de la planète, c'est pas un bon exemple. Il y a plein de trucs à dire sur Rogue One. Et justement, du coup, voilà, on a fait un peu le tour de ce dont je voulais parler, qui était assez important ces dernières années. Et j'aimerais bien que maintenant, on donne ce qu'on a préféré pour aiguiller un peu les gens qui nous écoutent. Donc moi, j'ai déjà dit, celui que j'ai préféré, c'est Buckethead. J'ai beaucoup aimé Troops aussi. Alors vas-y, Duki, à toi. Pareil pour moi, parce qu'on fait tout pareil. J'ai bien aimé un autre dont on n'a pas parlé. Oui, vas-y. Qui était un peu plus mystique, qui était... Ah oui, moi j'ai détesté. Ouais, je Dark sais. Dark Legacy. Ben... Ah oui. Celui où ils se battent. Celui avec... Avec le sabre bleu clair. Avec le cœur, avec un cristal dedans, ça m'a fait marrer. En fait, je trouvais que ça serait pas mal pour un jeu vidéo. Donc c'est Dark Legacy. Non, c'est pas... c'est Dark Legacy. Ouais, j'aimais bien celui le côté qui se passe un tout peu dans le mystique. Noir. Ouais. Oui. D'ailleurs, oui, j'ai rigolé parce qu'il y avait la scène un peu avec les façons discothèques comme dans le 2 et ça m'a fait marrer. mais moi, j'aimais bien le côté un peu mystique, un peu. C'était un peu cheapos aussi, mais ça aurait été sympa en jeu vidéo. Par exemple. Mais clairement, mes préférés, Bucketheads, le Troops, donc j'aimais bien le propos et. Et Rebel Scum qui était sympa, même si la fin m'a un petit peu, un petit peu gâché le plaisir. Ouais. Ensuite, Matt. Alors, moi, bon, il y en a plein. Il va falloir être concis, monsieur. Hein. Alors, Troops, pour les raisons qu'on a dit avant. Maul, faut le voir une fois, on va dire, je pense. Hein. TIE Fighter, voyez-le. Une fois, deux fois, c'est super cool. Rebel Scum, c'est un de mes préférés. En fait, on a parlé quasiment de fans films que j'aime bien. Hein, avec bon, c'est très bien, alors ferme ta bouche maintenant. Moi, je rajouterais rapidement Kara, qui est plutôt cool à voir, même si je vois pas trop où il voulait aller. TK436, qui est un fan film qui a remporté un concours dont le jury était le réal de Rogue One. Le montage de ce fan film aussi derrière. Et le montage est très très cool. Autant visuellement, celui-là, parfois, il est un peu cracra, mais il y a un propos et le montage est cool. Ouais. Scout est sympa à voir, c'est très beau, les environnements sont super cool. C'est du Endor, hein, c'est de la forêt, mais c'est de la jolie forêt. On va dire ça comme ça. Et je termine rapidement avec un fanfilm. Je sais pas si on peut dire que c'est un fanfilm, mais c'est Funny or Die qui l'a fait. Storm, a Star Wars Story, c'est une histoire d'amour entre un Rodien et un Stormtrooper. Oh. C'est génial. Oh, attends, Matt, il a pas compris le principe de préféré. Tu sais ce que j'ai aime tous. Mon préféré, mon fan film préféré, en fait, Star Wars, c'est Chicken Robots. Robot Chicken. Ah oui, ouais. Star Wars. Oh, ils sont drôles, ceux-là. c'est pas un sketch, parce que c'est vraiment un fan film, mais c'est Funny or Die qui l'a fait. Je sais pas si on peut considérer ça comme un fan film, du coup, ou pas. Mais il faut le voir, c'est super bien fait, c'est cool. On peut considérer ça comme un fan film, hein, je pense. Mm-hmm. Et du coup, est-ce que Star Wars, on peut le considérer comme un fan film de Flash Gordon? Oui, mais il est complètement pourri en tant que fan film. C'est une question très intéressante. X minutes à ton tour. Ben moi j'hésitais un petit peu, mais finalement à force d'en parler, je suis d'accord pour Bucketheads. C'est voilà, ça se joue avec Rebel Scum, mais je pense que c'est mon préféré. J'ai beaucoup aimé aussi Dark Legacy, pas pour les mêmes raisons que Tuki. Enfin, l'aspect mystique j'aimais bien, mais Je sais que c'est pas forcément... c'est un truc dont on a déjà parlé. Vous, vous êtes pas trop trop fan du côté quand les Jedi sont super puissants et tout. Moi, je trouve que ça... ça, c'est aussi un aspect intéressant de Star Wars, et là on est complètement dans ce délire là, le moment où le maître se démultiplie complètement, c'est complètement dingue, ça a aucun sens, mais moi de temps en temps, je suis pas en train de dire que Star Wars devrait être comme ça, mais de temps en temps je trouve que c'est vraiment jouissif à regarder. Moi j'adore les trucs style, je sais pas si vous connaissez la case du Métabaron, c'est cette BD complètement dingue, les mecs détruisent des galaxies. Et c'est ce délire un petit peu nerdifiant que j'aime bien dans ce film. Voilà, des trucs qui n'ont aucun sens, mais c'est vraiment cool à regarder. Donc, celui-ci est sympa, mais dans une autre catégorie. La force des fan-films, c'est aussi de transcender justement les fantasmes des fans, en fait. Mm-hmm. C'est là qu'ils peuvent vraiment les réaliser, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un de mes préférés, c'est Vader de Star Wars Theory. Est-ce que tu en avais d'autres que tu as bien aimé, Ximnut? Plein, mais voilà, vraiment ceux-là, c'est ceux qui ont vraiment gardé mon attention. Ah oui, si, donc Odyssée, vite fait, je trouvais que c'était le meilleur sur les effets spéciaux sans sabre laser. C'était le mieux réalisé sur ce point-là. Il avait des problèmes d'histoire et de pour les autres, mais sur voilà les scènes de piou piou piou, voilà, c'est lui qui s'en sentait le mieux. Super. Et du coup, on va finir sur l'expert, parce que toi, tu sais de quoi tu parles. Adrien, quels sont tes fan-films Star Wars préférés? Tu peux nous en donner autant que tu veux. Oula, je vais essayer de t'en donner un peu moins de 50 alors. Mais non, tout d'abord, je dirais Maul, parce que lui, il a quand même une place importante dans mon devenir en tant que chercheur, en tant que futur chercheur dans les fan studies, mais putain, le job de rêve. Ouais, c'est génial, j'espère l'être un jour. Mais sinon, autrement, on n'a pas parlé de cette émission, mais moi j'aime beaucoup Days Past. Moi j'ai failli le mettre dans mes préférés, mais au final le côté Star Wars, je trouvais pas vraiment utile dans le pas exploité. Ouais. Ah oui. Moi j'ai trouvé bof bof. Mais vas-y, je vais te laisser en parler. En gros, d'espace, c'est l'histoire d'une ancienne générale ou colonel, je sais plus, de l'Empire, qui a finalement décidé d'arrêter et qui vit sur une planète désertique. Tiens, c'est étonnant, on n'avait jamais vu ça. Et qui finalement. devenir une rebelle, et en fait il y a un de ses anciens étudiants, enfin élèves de l'Empire, qui lui rend visite et qui est devenu désormais commandant, et qui en fait ça joue en fait une confrontation entre une ancienne impériale et un ancien élève à elle. Je vais y arriver. Et du coup, j'aime beaucoup ce film parce que je trouve que les plans sont vraiment très beaux, et il y a une manière de filmer un petit peu les discussions qui sont vraiment très intéressantes. Et aussi, le décor est sympa aussi. Ouais, j'allais y venir justement. Les décors sont vraiment super beaux, et j'aime beaucoup aussi le fait que ce soit une femme racisée qui soit le personnage principal. Et d'un certain âge aussi. Elle est pas toute jeune. Et d'un certain âge. Ouais. J'étais contente moi aussi. J'avais mis dans mes notes, waouh, quelqu'un de pas blanc, donc c'est-à-dire on s'en était déjà bouffé quelques-uns avant. Ouais. Et j'ai juste noté un truc sur le décor. À un moment, elle passe ses mains dans des espèces de trucs à son plafond, et en fait c'est juste une serpillière à franges, et ça m'a fait beaucoup rire. Je vois du coup. J'ai marqué c'est Inglourious Basterds, mais c'est pas sur Tatooine, parce que attention, cette planète déserte là, elle est différente parce qu'elle a 26 soleils. Non, mais sur la scène de fin, t'as 3 soleils juste là, et tu sais pas s'il y en a pas d'autres hors fond, tu sais. Ah, vas-y, tu peux continuer, désolé. C'est vrai que, ouais. Ah non, c'était l'exemple des films qui avaient des bonnes intentions, mais qui étaient filmés pas très bien, je trouvais, donc ça m'a sorti du truc. D'accord, ok. Mais ouais, donc, ouais, j'ai beaucoup aimé ce fan-film pour ce qu'il représente, et aussi pour l'idée rédemption qu'on peut trouver dans les nouveaux aussi films de Star Wars, en fait. Tout l'aspect de Finn qui redevient gentil, qu'il a toujours été, mais Finn qui lâche un petit peu le premier ordre, toutes ces choses-là, toutes ces rédemptions qui peuvent être vraiment intéressantes, et puis aussi bah, pour le côté représentatif. Sinon, j'aime beaucoup aussi le fanfilm, on n'en a pas parlé, je ne vous l'avais pas conseillé, je crois, celui-ci, mais One Day I'll Become, qui est un fanfilm tchèque, je crois, et qui raconte un peu l'histoire d'un gosse. On ne sait pas trop ce que c'est, en fait, ce qui se passe, et en fait, c'est un personnage qui va en gros évoluer sur une planète un petit peu polluée, tu peux le remarquer. Il y a aussi également pas mal de d'effets spéciaux cool, des ellipses, enfin vraiment un fanfilm intéressant, je pense. Et puis surtout que c'est pas un fanfilm américain, donc ça change un petit peu. C'est clair. Et sinon, je pense que l'un des fanfilms que j'attends le plus, ça va être naturellement un petit fanfilm qu'on attend, je pense, ici tous, qui s'appelle, qui ne va pas être trop connu, je pense qu'il n'a pas trop marché au cinéma, mais qui s'appelle forcément Rise of Skywalker. Parce qu'il faut savoir que, naturellement, J.J. Abrams, j'aime beaucoup cet homme, mais avant d'être un réalisateur, c'est avant tout un gros fan de Star Wars. Oui. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça, c'est un truc qui est assez intéressant, c'est quand les gens disent « Ouais, les nouveaux films, c'est que des fan-films. » Mais les gars, à partir de maintenant, ça va être que des fan-films, en fait, Star Wars. Oui, c'est ça. c'est juste que ce seront des fan-films officiels faits par des gens qui savent vraiment ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'eux, ils ne seront pas strikés sur YouTube s'ils mettent la musique. Ouais, c'est ça. Ils ont c'est 200 ça, millions. Ouais. Eux, ils sont tellement... badass qu'ils ont John Williams qui vient leur faire leur musique, quoi. J'en oublie un très rapidement, un français. Je crois qu'il l'aime bien aussi, Adrien. C'est le L'Idiot et le Faucon. Ah oui, de Lucien Mène, oui, bien sûr. Ouais, qui est plutôt cool. Ouais. Il m'a un peu laissé sur ma faim, mais c'est cool. Okay. C'est vraiment cool à regarder. Et c'est plutôt sympa, c'est français, ça change. Ouais, carrément. Carrément, ouais. Mais non, mais ça fait plaisir. Il y en a pas beaucoup, hein. Il y a pas mal de monde du YouTube. Ouais. YouTube qui fait des... T'as raison de préciser, ouais. Je crois qu'il est même pas dedans. Même pas dedans, Gask. Mais, ouais, c'est à voir, c'est cool. C'est à voir, quoi. Il est sympa. Il est sympa. Une fois, il n'y a pas de sabre laser non plus, ni trop de blaster. Je crois qu'il y a même pas de blaster. Non, je crois pas non plus. On les voit, mais... Il est très économe sur les effets, ouais. Ouais. Bah, c'est aussi le truc, c'est que c'est marrant parce que j'ai grandi vraiment avec la prélogie en tant que fan de Star Wars. Et en fait, j'ai découvert la trilogie originale un peu plus tard. Et en fait, j'ai vraiment, quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment une fascination pour le sabre laser et tout ça parce que je trouvais ça trop stylé. Attends, des lumières qui, enfin, des sabres qui découpent tout et qui font la lumière, c'est classe, quoi. Mais finalement, dans mes fan films préférés, il n'y a aucun sabre laser, quoi. Parce qu'on a trop bouffé. On a fait l'overdose. Peut-être, hein, ouais. En fait, je trouve qu'en général, tout ce qui touche au sabre laser, au Jedi, au truc comme ça, je trouve que c'est mieux, largement mieux géré dans les vrais films. Enfin, les fan films à gros budget. Ouais. et à chaque fois, je trouve ça très très cheap, en fait, dès que c'est fait. Comme on dit, c'est dans les autres. C'est là où les gens réalisent leur fantasme de van, donc ça part forcément en latte dès qu'il y a un sabre, un Jedi ou la Force qui rentre en jeu. Donc tout de suite, ça fait un peu nanar, un peu cheesy. Faut que tu réalises ton film, Grushkov. Comment ? Faut que tu réalises ton film, le film que toi tu voudrais voir. Ah, je vais en faire un jeu vidéo. C'est un moment donné où il arrive à conclure et à finir l'épisode. C'est mais ça, moi, je vous encourage à faire un fan film. Hein. Je vous encourage l'équipage du Faucon Millénial à faire un fan film parce que, enfin, comme je l'ai dit plus tôt, finalement, il y a besoin de pas grand chose, quoi, pour faire un truc qui tient la route, quoi. On en profitera pour aller voir Ximinute, on ira filmer à moins 30 degrés à Albert. Ouais, voilà. En plus, Ximinute, il sait où filmer, donc c'est parfait. C'est clair. Ouais. Il n'est pas très chaud. Justement, bah, parce que ouais. Même si moi, j'ai un peu de mal avec les fan-films, j'encourage tout le monde à créer ce qu'ils aiment, parce que il n'y a que comme ça que tu as vraiment ce que tu veux, en fait. Mais oui, créer, c'est l'important. Faut mais en tout cas, créer. Moi, je suis d'accord sur ce que tu... Enfin, je partais un peu du même point de vue que toi, Grushkov, sur le fait que j'avais vu Darth Maul Apprentice. C'est le premier que j'avais vu et c'est tout. Et j'avais un peu un mauvais a priori. Là, franchement, de les voir, ils sont pas tous parfaits, mais ça a vraiment amélioré mon impression. Oui. Ouais, ouais. Et voilà, c'est génial que les gens aient envie de créer, en fait. C'est cool. C'est super cool. Mmh. Donc, rien que là, utilisez votre amour et puis faites des choses avec. C'est bien. Faites pas comme Star Wars Theory et créez pas des trucs parce que vous détestez... Je couperai ça au montage. Oui, créé par envie, pas par réaction, c'est ça. Quoi. C'est oui, c'est ça. C'est super bien. Exactement. Ouais. Et surtout, en fait, on peut être vite bloqué par les limites techniques ou esthétiques qui peut forcément y avoir un film amateur, mais en fait, pour faire un film, il n'y a pas besoin de grand chose, et surtout, on peut en faire de différentes manières. On peut en faire. Surtout des faire un film de Star Wars, il y a eu des parodies, il y a eu des remakes même, et il y a eu des nouvelles histoires, mais il y a aussi plein de méthodes pour les faire. Il y a eu des dessins animés, il y a eu des stop motion, il y a eu des images de synthèse. Il y a les Lego, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de Lego aussi. Ouais, bah à 13 ans, j'ai commencé avec mon meilleur ami, on s'amusait à essayer de faire un film Star Wars en Lego. Voilà, bah tu vois, c'est ça qui est dingue. On a arrêté au bout de deux jours, mais on avait commencé. T'as tenu deux jours, bravo. Quelques secondes d'épisode, quoi. Et on faisait ça avec un petit caméscope à cassette encore à l'époque, quoi. Et t'avais quand même un petit résultat, c'était pas fou, mais. Bien sûr, rigolo, hein. Et même au-delà de ça, si vous avez pas de quoi filmer en vrai avec ne serait-ce qu'un téléphone, bah vous pourriez, même si vous aimez bien un jeu vidéo, bah faire des machinima, par exemple, des choses comme simplement ça. Des fanfics même des fanfics ou même bah, comme Fetuki et Grushkov des sagas MP3 ça marche très bien aussi. Bah ouais, il y en a eu quelques-unes d'ailleurs en France hein. Mais Ximnut il est beaucoup plus expert que moi là-dedans. Merci Ximnut. Désolé, je suis désolé, je savais pas si tu voulais que j'enchaîne ou tout. Non non pas. C'est pour ça que je te dis merci, bravo. D'ailleurs, ce qu'on vous dit pas, c'est que depuis tout à l'heure, Grishkov il rage sur le Discord, il veut qu'on finisse, il en peut plus. Sauf que ça fait moins un quart d'heure qu'on retient, qu'on pardon, allonge. J'arrête de parler, pardon. Et comme c'est intéressant, il ose pas. Et moi, je relance à chaque fois. Oui, c'est, mais tu veux que maintenant, même Ximnut, il est là. Qu'est-ce que je fais? Je dois pas parler. Tu veux que j'en cite ou non? Vas-y. C'est un mexicain stand-off. Il y a plein de parodies dans Star Wars. Si je dois citer juste une qui a une histoire originale basée sur Star Wars, vous cherchez, ça s'appelle les Chevaliers de la Force. Vous tapez ça, voilà, sur. Ils ont encore un site internet qui marche et tout. Malheureusement, comme beaucoup de sagas MP3, elle est pas terminée, mais c'est une sorte de préquel à l'épisode 1. Qui est vraiment sympa, voilà, qui est pas parfait, mais je trouve que de toutes les fanfictions adaptées en fiction audio, c'est celle qui rend le mieux. Donc voilà, les Chevaliers de la Force. Du coup, Adrien, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh bien, on peut me trouver sur Twitter @AdrienDupatelin, tout simplement, mais également sur Facebook avec la page, je crois que c'est Le Patelin des Passions, et surtout sur YouTube si vous voulez suivre mes prochains projets, Le Patelin des Passions, toujours. Voilà, super. J'ai vu que vous savez très bien que vous pouvez nous retrouver sur @FauconPod sur Twitter, sur notre chaîne YouTube Faucon Millennial, et sur Facebook. Maintenant, c'est Ximnut qui s'en occupe, donc ça va être alimenté, c'est bien. Ouais. Et Ximnut, c'est toi qui as rajouté qu'il y avait des commentaires iTunes? Non, en fait, je voulais juste dire, il y en a pas du tout, en fait. Donc, je voulais dire aux gens, mettez-nous 5 étoiles. Ah ouais, elle est ouf. Allez-y. Ou 6. On est bon. Ah ouais, ouais. Ah bah si vous êtes balèze, hein, dites-nous comment vous faites. 1000. Non, voilà. Bon, c'est complètement du mimétisme. Je vois les autres podcasts que j'écoute, ils disent mettez des commentaires 5 étoiles. Alors moi, je me pose pas la question, je fais comme les autres. Ouais, on est pas dispo sur quelques plateformes supplémentaires aussi. Ouais. On est. Je savais pas qu'on n'y était pas, honnêtement, mais enfin, on est sur Google Play et sur iHeartRadio pour les auditeurs québécois surtout. Voilà, parce que en France, c'est pas très utilisé. Et par contre, Deezer, ça avance pas là. Je sais pas ce qui se passe. Je suis désolé pour les deux auditeurs. Voilà, ça met des plombes. Ouais, c'est de ta faute. Bon, eh bien, créer, et si vous arrivez pas à créer, enjoyez les choses que vous aimez, et que la force soit avec vous. Bisous. Bye bye. Ciao. Salut. Où étiez-vous passé ? Nous discutions avec des amis.